Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, auditeurs fidèles de Zik Actu ou de RDB en général. Ce soir, c'est une émission un peu spéciale, c'est Zik Actu, mais on va pas forcément parler d'actualité parce que ce soir, je suis en compagnie de Nico. Bonsoir Nico. Salut Gaël. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis ravi d'être là avec toi ce soir. Tu vois, je fais des heures sup avec grand grand plaisir, pour le plus grand bonheur de tous. Cool, bah merci d'avoir accepté cette invitation. Le concept de l'émission, c'est de faire un ping-pong musical. Mais qu'est-ce que c'est qu'un ping-pong musical ? Eh bien, c'est très simple. Chacun notre tour, on va passer un disque, un morceau en fait. Et l'idée, c'est d'avoir un lien, un petit fil tenu des fois, mais qui raccorde les morceaux les uns aux autres. Et pour commencer, tu nous as choisi un morceau. Lequel est-ce ? Ouais, j'ai choisi un morceau de téléphone, figure-toi. C'est Fleur de ma ville. Fleur de ma ville, c'est un morceau qu'on trouve sur le troisième album de Téléphone, un album sorti en 80. C'était Au cœur de la nuit à l'époque. Et voilà, en fait, c'est plein de souvenirs. Pourquoi ? C'est un petit peu sentimental, tu vois. Je vais te la jouer nostalgie et tout. Allez, juste pour la petite histoire, en 79, moi, je rentre en sixième. Mes parents, à l'époque, ils écoutaient, ils avaient que deux disques à la maison avec un électrophone, tu vois. On n'avait même pas de radio. Mon père, il avait un disque de Jean Ferrat. Ma mère, elle avait un disque de Gérard Lenormand. Donc, autant te dire qu'au niveau culture musicale, c'était quand même assez limité. Et je rentre en sixième et je tombe sur un type qui me fait découvrir Police et Rod Stewart. Donc, mon année de sixième, c'est ça. Et excellent. Je rentre en cinquième. Il y a une jeune fille qui arrive en plein milieu de l'année. Super belle. Je tombe amoureux. Et sur son sac, il y avait marqué Stray Cats et téléphone. Chouette. Donc forcément, je suis allé la draguer pour savoir de quoi il s'agissait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le rock'n'roll. Voilà. Alors, c'est une belle histoire déjà. Et ce morceau en particulier, parce que... D'abord, j'adore comment ça monte en puissance. Ça démarre tout doucement, ça finit par une explosion de guitare. Et c'est un des seuls morceaux que Bertignac a composé et chanté pour téléphone, puisque les deux autres morceaux, à ma connaissance, hein, à moins que je me trompe, il y avait Flipper sur le premier album et Cendrillon sur le quatrième. Louis Bertignac, qui est le guitariste de téléphone. Absolument. On connaît plus Jean-Louis Aubert, qui est le guitariste chanteur. Ouais, c'est ça. Et Bertignac a signalé aussi, quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il avait démarré sa carrière comme guitariste de Jacques Higelin sur l'album BBH75. D'accord. Eh ben, écoute, voilà. C'est excellent. On va écouter tout ça. Et merci pour ces petites anecdotes. Je sens que cette émission va être fructueuse en petites anecdotes dans ce genre. On écoute tout de suite Téléphone, Fleur de ma ville. vous écoutiez Téléphone, c'était Fleur de ma ville et donc c'était le choix de Nico. Je vous rappelle qu'on fait un petit ping-pong musical pour apprendre à mieux connaître Nico. Nico qui est autre, vous avez sûrement reconnu sa voix, que l'animateur principal de RDB que vous entendez tous les jours en fait. Donc merci Nico pour cette découverte, on est en 1980. On va rester dans ces années-là, j'ai pas la date exacte, je chercherai ça pendant le morceau aussi. 1981, l'année d'après, moi je vais vous passer un morceau d'Higelin en live à Mogador. Donc Mogador c'est une salle de Paris si je me trompe pas. C'est ça ouais. Et ce live, bah c'est pareil, moi c'est un peu la même histoire. Enfin c'est pas la même histoire, parce qu'on n'est pas tout à fait de la même génération. Mais je te remercie, c'est agréable. Mais c'est-à-dire qu'en 80, j'étais pas né en fait. Donc forcément j'étais pas là, j'étais pas en 6e et j'ai pas découvert ça tout de suite quand c'est sorti. Je pourrais être ton père. Bah je crois bien. Mais c'est Dark Vador. Et donc moi je l'ai découvert par contre j'ai découvert ça sur vinyle en fait, ce live, un triple live sur vinyle que m'avait passé la maman d'un copain en fait, que j'avais donc lu dans la platine vinyle de mes parents. Et ce live je l'avais trouvé incroyable, un live d'Higelin, c'est comme ça que j'ai découvert Higelin. Et après je suis allé le voir en concert et c'était magique. Et il y avait plein de chouettes morceaux, il partait en vrille complètement pendant ces morceaux. On va écouter un bout de Hold Tight, qui est un titre en anglais, et dans lequel il part un peu en délire. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout parce que ça dure 7 minutes et que sinon je vais bouffer toute l'émission. Mais on écoute Hold Tight de Higelin en live à Mogador. Sur mon piano. Ah là là là là là. Bonsoir. Ça va. Armand et Jocelyne. Entrez tout de suite à la maison. Pour commencer l'année 81, un petit morceau de dynamique. Comme quand on se réveille le matin en faisant des gestes acrobatiques. Oh! Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Est-ce que vous avez un moral d'acier? Est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous êtes capable de délirer? Ok, ok, ok. Bon alors je commence. I'm too good to love my food fish fanatic. Don't give a good one to keep. Life is just so fine on the solid side of the line. So hold tight, hold tight. Pour venir tout de suite derrière. L'important c'est de coller toi. C'est comme la chanson. Forcément tu la connais pas par cœur, mais ça fait hold tight, hold tight. Tu sais c'est comme si tu prends tout d'un coup hold tight, qu'est-ce qu'il lui prend? Alors tout le monde colle qu'on veut. Hold tight, hold tight. Tout de suite. Le premier c'est très cool. C'est comme un mec qui veut rentrer en contact avec toi, mais ok, hein, on pousse pas dans les orties l'arrière-grand-mère, tu vois, mais c'est fait, hold tight au début. Hold tight. Ah, tu vois, c'est comme dire bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Hold tight. Hold tight. Bon, il y a quelque chose, I want something for mama. Shrimp and rice, that'd be really nice. Hold tight. Hold tight. Bon, il y a quelque chose, I want something for the machine. À la course. Like a macabre fish. When I come home from work at night, I get my favorite dish. Ah oh, non. Hey, ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire? When, quand I come home. When, quand je retourne chez moi. From work at night. Je travaille dans la nuit. Je traduis approximatif. Quand j'ai travaillé la nuit, je rentre chez moi, je veux mon plat favori. Fish, poisson. Tu sens l'homme qui est pris des choses de la mer. Imagine-toi, c'est le neveu du commandant Cousteau qui rentre chez lui. C'est pas la peine d'applaudir. Il est beaucoup plus important de chanter en mesure. On reprend. Depuis le début. Si vous voulez être prêt pour 80, va falloir être en place. Ça va changer maintenant. Fini. Il est à peu près. On a été trop cool, trop libéral, trop laxique. Et maintenant on va être laxatif. Ça va chier. Hey, hold on. Hold on. Vous dire que ça commence aussi tout. Maman, shrivel rise. That very nice. Shrivel rise. Shrivel rise. That very nice. Shrivel rise. Hold on. Hold on. Vous dire que ça commence aussi tout. Maman, shrivel rise. And I come so lost too. Like a muckabuck fish. When I come home from work at night, I get my favorite dish. All time. All time. All time. All time. All time. All time. All time. Mama shrivel rice. It's a very nice solo. Yeah, ça c'est de rock'n'roll, hein. Et ouais, donc c'est Higelin, et donc c'est ce live qui m'avait vraiment bouleversé. Et en fait, je crois que c'est le premier titre, en fait, le mec attaque son concert comme ça, quoi. C'est possible, c'est possible. Ouais. Moi j'avais plein de vinyles, je savais pas quel était le premier, quel était le dernier, mais a priori c'est le premier titre, si on en suit la classification de Deezer. Et du coup, à quoi ça te fait penser alors, Nico, toi ? Bah, forcément, ça amène bah, à la génération suivante, hein, c'est-à-dire que bah, ce garçon, il s'est quand même reproduit. Il a eu entre autres un garçon ou une fille, un garçon qui s'appelle Arthur H. Arthur H, moi je l'ai découvert à Rennes, pareil, dans, quand t'étais pas né, dans des boîtes de nuit qui organisaient des concerts. Donc moi j'ai vécu la sortie de son tout premier album, c'était absolument quelque chose de... Mais... C'était quoi ? C'est Bashibouzouk Band, non ? C'est cette période-là ou c'est encore avant ? Non, c'était... Oh là là, je me souviens plus du nom de l'album. J'ai la pochette dans la tête là, avec toutes ces couleurs, c'était une espèce d'aquarelle bon voilà, bref, et oui, donc Arthur H d'un côté et Izia, la petite sœur, de l'autre, quoi. La petite dernière, donc, la petite de la dernière famille. Ouais, de la famille. Et justement Arthur H, il a sorti un album là il y a quelques années maintenant, et il a demandé à sa petite sœur de venir chanter un morceau avec elle, et ils ont fait un morceau qui s'appelle La beauté de l'amour, et je trouve que c'est vraiment une merveille, quoi. Eh ben, on voilà. Écoute tout de suite, du coup, Arthur H, La beauté de l'amour. À la sortie de la villa, juste après l'orage, tu as trébuché, j'ai démarré, on a pris le large. Quitter les rivages, quitter les indélicatesses, l'âme légère et sans personne pour nous tenir en laisse. La beauté de l'amour, la beauté côté de l'amour. On écoutait Arthur H en featuring avec Izia, sa petite sœur finalement, et le morceau s'appelait La beauté de l'amour, c'était le choix de Nico. Et moi je vais faire assez simple en fait, on va rester chez Arthur H et dans les featuring, parce qu'il y en a un qui me plaît énormément dans sa carrière, et qui s'appelle Est-ce que tu aimes avec M, donc on va passer de la famille Gelin à la famille Chédid peut-être. Les deux grandes familles, enfin voilà, deux grandes familles de la chanson française qui ont traversé les générations. J'essaierai de pas te faire le coup de la facilité d'aller choisir un petit Chédid de derrière. Bah oui, ce serait, moi je l'ai choisi, d'accord. Ouais. Merci de le souligner très discrètement. Mais comme vous le savez, on est dans les conditions du direct. On n'est pas en direct, mais on est dans les conditions du direct. Donc vraiment, on a le temps du morceau qui passe pour décider du morceau qui va suivre en fait. Voilà, c'est ça les règles du ping-pong musical. Et on continue donc avec M et Arthur H. Est-ce que tu aimes, qui est sur, franchement, je crois que c'est mon album préféré de Arthur H, qui s'appelle Adieu Tristesse. Il y a notamment la chanson de Satie qui est géniale en featuring avec Faced, je crois que je l'ai déjà passé, et on a aussi un featuring avec le papa cette fois, Arthur H avec Jacques Higelin, qui est sur un morceau qui s'appelle Le Destin du Voyageur, c'est tout dans le même disque, dans Adieu Tristesse, qui était en fait le disque qui était sûrement juste avant Babalove, si ma mémoire est bonne. Il me semble aussi, ouais. On écoute donc Est-ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif? Oui, j'aime. Okay. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime squaw? Oui, j'aime. Bon, alors nous irons vivre libres dans un pays sauvage. Dans un pays sauvage. Et nos armes seront. L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros s'en va seul? Dans un pays sauvage, dans un pays sauvage. Et nos armes seront. Et nos armes seront. L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Seul sous la lune, dont un pur sang noir. Ouais, j'aime bien. Non mais c'est vraiment bien. Ouais, pas mal. Est-ce que tu aimes quand au bordel une jeune chanteuse moqueuse rend fou de plaisir tous les cow-boys? Je sais plus. La la la la la la. Voilà, ça c'était le petit choix musical de notre ami Gaël, donc le duo petite merveille, soit dit entre nous. Et bah, puisqu'on est dans les grandes voix, à moins que tu aies quelque chose à rajouter un petit peu sur ce duo, Gaël. Non, juste que je le trouve trop bien et que je l'avais vu en concert Arthur H juste après, que c'était le bassiste qui chantait la voix de M et qui s'en sortait très bien, c'était très sympa à entendre. Voilà. D'accord. Eh ben, on va rester dans les grandes voix. Moi, ce que je te propose derrière, ce que j'ai choisi, c'est un morceau de Nina Hagen. Alors, c'est pas un morceau que j'ai choisi en particulier parce que moi, je trouve que chez Nina Hagen, il n'y a pas grand-chose à acheter. C'est juste une voix absolument énorme. Elle aurait pu faire de l'opéra. Elle en a fait d'ailleurs. Voilà, c'est Nina Hagen. Donc, bah, tu peux envoyer quand tu veux. C'est parti. Je tente pas de lire le titre, toi non plus, parce que on n'y connaît rien en allemand. Donc, on écoute Nina Hagen, tout simplement. Wir glauben, was wir wissen und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Früh an unser Ende denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können und das Sterben können. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren, wir rasen uns die Lebenszeit. Zwischenzeit. Wir zittern immer noch vor der Vergangenheit. Wir entwickeln uns nicht weiter, weil erwachsen sein uns einzwängt in die Zwänge der Gesellschaft. Nein, so wollen wir nicht sein. Durch die Lebenszeit. Wir verlassen, verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren, wir rasen durch die Lebenszeit. excellent ce gros délire électronique là pour finir ce titre de Nina Hagen. Merci Nico. C'est vrai que c'est, je suis pas une artiste que je connais énormément. Je sais juste que c'est une déglinguée carrément d'Allemagne qui a l'air d'aller un peu dans tous les sens et c'est ça qui est cool quoi. Absolument. Du coup, on reste en Allemagne, mais avec un artiste qui est d'origine canadienne, qui s'appelle Chili Gonzalez. En fait, j'en ai parlé dans une émission de Zik Actu et j'ai pas pu spécialement y revenir. Il a sorti cette année un disque avec un quatuor à cordes et un piano, donc il fait des trucs très très classiques. Et à côté, il va te faire un album de hip-hop complètement barré. Il produit plein de choses. Il a produit un album de Philippe Catherine, qui était d'ailleurs un très bon album, qui s'appelait Robot après tout. A priori, oui, Robot après tout. Et il a produit plein de trucs, des trucs pour Drake aussi, le rappeur canadien. Enfin voilà, un grand artiste, Chili Gonzalez. Et on va partir sur sa période berlinoise. Donc il a passé quelques années à Berlin où il a fait essentiellement du hip-hop en fait. Et du coup, j'hésite un peu. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Il y avait Let's Groove Again, un morceau assez club, qui a été très connu à cette époque-là, qui a bien marché dans les années 90, fin des années 90. Et puis, il y a un titre qui s'appelle The Worst MC. Et ça me fait rêver. J'ai bien envie d'écouter celui-là quand même. Le pire MC, ça donne envie. Mais il ne faut pas que tu me demandes ce que j'en pense parce que je ne connais absolument pas cet artiste. Donc, je vais découvrir, tu vois. Et c'est une grande joie. Et ben, on va commencer par le pire alors. The Worst MC de Chili Gonzalez. I'm gonna make you. The Worst MC, Chili Gonzalez, une très grande découverte pour moi. C'est vrai que je suis absolument pas versé dans ce style de musique. En revanche, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a un côté world music qui est quand même assez prononcé. Ouais, tout à fait. Un espèce de, il y a du mix, il y a du rythme, il y a du rap, il y a des sons techno, etc. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et moi, ce que j'ai envie de te proposer maintenant, c'est rester un peu dans le trip world music, mais world music des années 70, tu vois. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des mecs qui faisaient des trucs assez dingues. Alors, on se souvient du Grandmaster Flash, par exemple, hein, qui est un des précurseurs du rap, à mon avis, qui était plutôt classifié en punk, mais quand on réécoute ça aujourd'hui, enfin, c'est juste énorme. Mais c'est pas le Grandmaster Flash, en fait, que j'ai choisi, c'est Michael Winners, The Incredible Bongo Band, qui reprend le fameux morceau Apache. Et je trouve ça juste... juste géant, quoi. C'est un grand, grand rayon de soleil. Voilà. Eh ben, impeccable. On écoute ça tout de suite. c'était Apache, donc un morceau qui est bien connu par les guitaristes, mais dans une version assez incroyable de Michael Viner's Incredible Bongo Band, rien que ça. Et donc merci Nico pour cette découverte, parce que cette version Big Band, elle est excellente. Ouais. Tu l'as connue comment toi ? Eh ben écoute, par hasard, un jour où j'avais un montage à faire pour un jingle promo d'une émission célèbre sur RDB qui s'appelle Les Dédicaces. Ouais. Et donc je suis allé chercher le morceau Apache et je suis tombé là-dessus par hasard et j'ai carrément accroché quoi. Voilà. Non, c'est une super reprise d'un grand tube. Tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vous avais passé, j'avais fait un morceau, un Zikactus spécial sur les morceaux longs en fait, sur les que j'ai appelé les masterpieces, et j'avais passé un morceau de NoFX qui dure 18 minutes, un morceau de punk. Et du coup en fait, juste après l'émission, je me suis rendu compte qu'il existait, enfin qu'un mec avait fait paraître sur YouTube, genre 2 semaines avant l'émission, une version symphonique qui est incroyable de ce titre-là de punk. Il a fait une version symphonique avec un orchestre symphonique. Ah, voilà, vous tapez The Decline NoFX Symphonie et vous tombez là-dessus. Je vous le conseille. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à plein de choses. J'avais envie de vous passer du Beck. Alors quand même, je vais vous passer le début de ce titre de Beck que je trouvais excellent. Voilà, on retrouve un peu le côté cuivre, le côté très rythmique, les placements rythmiques. Et Beck a sa plus grande forme. C'était donc sur l'album Midnight Vultures. Mais vu que j'aime bien jouer sur la frustration, on va pas partir là-dessus. C'était trop évident. Donc du coup, finalement, je suis parti sur Richard Cheese. Richard Cheese, c'est un mec qui fait des reprises, en fait, version jazzy, swing des gros tubes du pop rock en fait, même des fois du métal. Il y a du System of a Down version cha-cha-cha, il y a du Metallica, il y a plein de choses. Vraiment, c'est un artiste incroyable dans sa qualité de repreneur. Et on va écouter donc une version de Sunday Bloody Sunday de Richard Cheese. Uno, dos, tres, quatorze. Hola señoritas, why señores. Me llamo Ricardo Queso, let's mambo! I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, how la la la la la. Can be as one tonight. Aha! Broken bottles under Nino's feet, bodies strewn across that dead end street, and today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, chihuahua! Bloody Sunday, Domingo, Sangre Domingo. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Voilà, c'était le choix de Gaël, Richard Cheese, un artiste que je connaissais pas non plus. Et je suis heureux de le découvrir parce qu'en plus, moi, je suis un grand fan des reprises. Moi, je trouve ça toujours super intéressant. Et puis, alors là, franchement, moi, ce qui me surprend incroyablement, c'est que ce morceau, quand même, il a une histoire terrible. Ah oui, là ça fait, c'est vrai que ça fait rire, alors qu'en fait le morceau fait pas rire du tout. Et exactement, c'est le fameux samedi sanglant à Dublin, voilà, avec les protestants massacrés par l'armée anglaise à l'époque. Enfin, c'est vraiment pas un truc qui fait marrer. Et là, ils amènent du soleil et on oublie finalement tout ce côté drame. Pour avoir un truc super soleil. Un truc latino. Ouais, c'est incroyable qu'il en ait fait ça de ce morceau. Et faut vraiment écouter Richard Cheese. Ça passe très bien en playlist. Vous pouvez mettre Richard Cheese en aléatoire et vous passez 3 heures. Il y a 3-4 heures de reprise comme ça, décalées dans plein de styles. C'est jamais vraiment le même style. En fait, là, c'est un peu latino. Ça peut être cha-cha-cha. Ça peut être vraiment jazzy, standard, New Orleans. C'est super bien. Ce mec-là est incroyable, avec une voix magnifique en plus, je trouve. Absolument. Alors c'est pour ça que moi j'ai choisi un morceau pour enchaîner derrière, c'est Dawn Penn. Alors Dawn Penn, c'est une artiste jamaïcaine. Alors je savais que j'arriverais à en placer dans cette émission. Hein. C'est l'intérêt. Ouais. L'intérêt, c'est aussi ça, c'est qu'on te découvre aussi, voilà, plus musicalement, toi, qu'est-ce que tu passerais exactement, quoi. Voilà, Downpen, donc, ouais, c'est une artiste jamaïcaine, ça date de la fin des années 60, début des années 70. C'est avant que le reggae commence vraiment à s'installer, même si le reggae, il était déjà en place sur l'île. Mais le reggae, c'est vrai qu'on le connaît surtout par Peter Tosh ou Bob Marley, mais il y avait aussi des choses qui se passaient bien avant, dans les années 50-60. Et justement, tu vois, c'est pour ça que je fais le rapprochement avec Richard Cheese, c'est que dans ce morceau là que j'ai choisi, il y a justement cette évocation de la douleur, de choses difficiles au niveau sociétal, etc. Et en même temps, c'est chanté avec tellement de soleil dans la voix et dans le rythme, bah que voilà, c'est juste une merveille. C'est No No No, je crois. Hein. You Don't Love Me, et le sous-titre c'est No No No. Ouais. Voilà. Tout le monde connaît ça en plus, hein, tu vas voir. Eh ben écoute, ça me dit rien comme ça, mais on va voir ça. About the music that is coming your way. Je t'avais prévenu, hein, Downpen, ça a l'air extrêmement, extrêmement simple comme ça, d'une construction extrêmement basique, mais en même temps, c'est d'une efficacité redoutable, quoi. Il y a une section cuivre, un truc absolument énorme derrière, une rythmique phénoménale, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Et puis, on trouve, il y a un côté blues, je trouve, dans ce titre. En fait, ouais, je sais, il y a les fondamentales du blues là-dedans. Enfin, on entend presque une gris blues, quoi. Ah oui, mais tout à fait. Donc on est entre dans une période de transition entre le blues et le reggae, finalement, c'est ça. Ben c'est à peu près ça. De toute façon, la Jamaïque, le peuple jamaïcain, il vient d'Éthiopie au départ. Donc ce sont des esclaves qui ont été emmenés, qui se sont retrouvés en Jamaïque. Certains se sont retrouvés dans le sud des États-Unis, au Mississippi notamment. Et il y en a qui sont arrivés en Jamaïque. Et les racines, oui, c'est c'est le blues, c'est les rythmes vaudous, les fameuses Rolling Stones que pouvait chanter Muddy Waters par exemple, ou voilà, enfin des choses qui ont été reprises après par Bob Dylan, par les Rolling Stones, tout ça quoi. Bah écoute, excellent, ouais. Et puis ce côté blues, en fait, j'ai l'impression qu'on le retrouve un peu partout. Le blues est finalement un peu derrière chaque style, quoi. Ça, faudrait poser un peu la question à Crossroads, aux spécialistes. Ouais. Et ça sera intéressant d'ailleurs de faire un ping-pong avec lui. Il te racontera l'histoire des Rolling Stones ou du rythme de blues. Tu sais d'où ça vient, tout ça? Non. Alors, le rythme du blues, en fait, c'est simplement à l'époque de l'abolition de l'esclavage. Malgré l'abolition de l'esclavage, les Noirs n'avaient toujours pas le droit de rentrer dans les trains. Donc, comme ils avaient décidé de quitter les plantations pour remonter dans le nord, sur des grandes villes comme Détroit, Washington, etc., eh ben, ils se mettaient sous les essieux des trains et les rails. Au niveau de la jonction des rails, ça fait du... Et jouer dessus. Voilà, et ce serait le premier rythme du blues qui leur serait rentré dans la peau, parce qu'au bout de plusieurs milliers de kilomètres, ils avaient que ce rythme répétitif en tête. Excellent, d'accord. Voilà, je te raconterai l'histoire des Rolling Stones une autre fois. Eh, mais avec plaisir. Et bon, je vais un peu loin, mais dans cet esprit blues, en fait, je me pose souvent la question dans ce que j'écoute, je me dis, tiens, mais ça, en fait, c'est blues, alors qu'on n'y est pas du tout. Et donc, dans ce que t'as passé avant, pour moi, c'est blues, et dans l'essence, c'est blues. Et dans ce morceau d'Arctic Monkeys aussi, je trouve qu'on retrouve cette essence blues. Ça, c'est un titre assez connu, mais voilà, on va se faire plaisir avec un titre bien connu cette fois-ci, d'Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and when you've had a few. Cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall. Merci Gaël, c'est une petite merveille, c'est un Arctic Monkeys. Hein. Un super groupe, moi vraiment je vous le recommande, particulièrement l'album Favorite Worst Nightmare qui est leur deuxième album, vraiment une énergie plus punk, ça va plus vite, il y a beaucoup de textes et il est super bien cet album. Mais là c'est vrai que t'as fait une super belle transition parce qu'on était dans le blues et là c'est vrai que c'est carrément blues quoi. Ouais pour c'est... moi il y a le fondamental blues, il y a quelque chose encore tu vois qui reste et qui est à travers le temps quoi, tu vois là, toi c'était quand, c'était années 60, là on est ouais. dans les années 2010 et on a toujours cette même énergie finalement. Absolument, et ça continue d'ailleurs, je te remercie pour la transition parce que du coup ça n'a pas été très très compliqué pour moi parce que je crois que les auditeurs ils le savent, j'en passe souvent, c'est un jeune groupe de Montélimar que j'ai découvert l'année dernière, il s'appelle Crystal Pulse et Crystal Pulse, voilà, moi je trouve qu'ils sont dans ce bon blues rock aussi extrêmement basique, enfin quand je dis basique c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est dans le sens des instruments de base, voilà, une batterie, une guitare, un chanteur, une basse, boum, on envoie la purée, quoi. Voilà. Et alors, je tiens à signaler, donc, ils sont tout jeunes. Hein, dans le groupe, il y en a deux qui passent le bac à la fin de l'année. Ah ouais, ok. Donc, un groupe à suivre, c'est ouais. que le début, quoi. Ah ouais, ouais. On en est vraiment qu'au début. Et ils seront à Saint-Martin-de-Valamas. Ils sont invités cette année au Festival de musique. Ils seront en concert le 4 août. Le 4 août. Le 4 août. Voilà, Crystal Pulse. On écoute tout de suite. Eh bah, ben, c'est excellent, ça. C'était Crystal Pulse. Le titre s'appelle Road Tripper. Et donc, c'est un groupe de Montélimar. Et merci beaucoup pour cette découverte. Merci de le faire partager à tous les auditeurs. Parce que du coup, c'est un groupe que tu suis, que tu... Que tu soutiens activement, j'ai l'impression. Ah bah ouais, parce que moi je sens qu'il y a des tripes, il y a envie, il y a du talent, quoi. Et moi je suis sûr qu'ils vont aller loin, ces garçons. Voilà. Bah voilà, vous pouvez retrouver donc ce titre sur YouTube, vous tapez Crystal Pulse et vous verrez qu'il y a 3 titres d'eux et on est quoi, à 2000 vues et ça en mérite évidemment des centaines de milliers, quoi. Ouais, ouais, mais de toute façon ils vont tourner dans la région, on va les voir partout bientôt. Mais ça va le faire, c'est certain. C'est vraiment un groupe dont on entendra parler, je pense. Oh, cette petite musique me rappelle que l'heure est déjà terminée. Sniff. Et ouais, c'est triste parce que franchement, c'était super cool en tous les cas de faire ça, voilà, de te découvrir aussi musicalement, un peu plus personnellement que d'habitude. Ouais, j'écoute pas que du punk. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, attends, il a son émission, plus de gaz. Ouais. C'est pas la peine de l'inviter. On sait exactement ce qui va passer. Bah pas du tout, quoi. Voilà, surprise. Et c'est ça qui est cool. Et du coup, on va en profiter pour faire un peu de promo pour ton émission. Plus de gaz, c'est quand? C'est premier mercredi de chaque mois. Et là, à partir de la rentrée, normalement, on va passer en tous les 15 jours. Cool, d'accord. Voilà. Comme Zik Actu qui... Absolument. Donc Zik Actu, c'est pareil, c'est une semaine sur deux. C'est le premier et le troisième mardi du mois. Et l'année prochaine, ça passera sûrement en hebdomadaire. Et Nico, sinon, si sa voix vous manque, vous pouvez de toute façon l'entendre tous les matins et toutes les après-midi à l'antenne de RDB. C'est lui que vous entendez pour vous présenter les morceaux. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi en tous les cas de t'avoir reçu et puis de faire ta connaissance musicale. Et je pense que ce sera un plaisir pour les auditeurs aussi de te découvrir un peu plus personnellement. Écoute, c'est moi qui te remercie et puis je reviens quand tu veux parce que c'était un vrai moment de bonheur. Et nickel, on refera ça alors. Merci Nico, à bientôt. Merci à toi, ciao. Et à bientôt les auditeurs.